Les participants au rassemblement au niveau central des Coréens résidant au Japon, consacré au 4e anniversaire de l'envoi du message de félicitations par le maréchal Kim Jong-un aux participants à la conférence des permanents des filiales de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Songyeon, lui ont adressé le 20 juillet une lettre. Voici le contenu de la lettre. Le message historique envoyé le 20 juillet 2012 par le maréchal à la conférence des permanents des filiales de la Songyeon éclaire la voie au mouvement des Coréens résidant au Japon de la grande ère Kim Jong-un pour que la Songyeon avance vigoureusement sur la voie Juche du patriotisme et de la prospérité en restant fidèle pour toujours aux nobles recommandations des grands leaders. Grâce à votre grande affection, malgré la situation difficile et compliquée sans précédent, nous avons pu faire progresser vigoureusement le mouvement des Coréens au Japon en ce nouveau centenaire du Juche, en déjouant à chaque pas les menées scélérates des réactionnaires de l'intérieur et de l'extérieur contre la Songyeon. En partageant la volonté avec le peuple de la patrie engagé dans la campagne de 200 jours pour faire de cette année un apogée de l'édification d'une puissance socialiste et créer la vitesse Malima étonnant le monde, suivant le grand dessein précisé par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du parti, nous appliquerons à fond les tâches définies dans le message envoyé à la conférence des permanents des filiales de la Songyeon. Finalement, les destinataires ont souhaité bonne santé au maréchal Kim Jong-un.